artiste alternatif électro-ambiant. Il participait au festival Oceaga le 3 septembre dernier. Et j'ai le plaisir de rencontrer Patrick Watson. Bienvenue à C'est fou. Oh, bonjour, ça va bien? Oui, toi? Ah, super bien. Yes. Voilà. Qu'est-ce qui t'amène à Trois-Rivières? Bon, je reviens ici pour chercher le monde, pour écouter la musique. C'est assez simple comme concept. On essaie de faire un peu le tournée de Québec pour montrer le monde la musique qu'on fait et chercher le public. Tu vois? C'est un nouvel album aussi. Oui, c'est ça. Et ça sort? Ça sort le 26 septembre. Parle-nous un peu de ta feuille de route qui est bien garnie. C'est qui Patrick Watson? Quel projet ou expérience t'ont mené? Où tu es maintenant aujourd'hui? Ouais, tout le projet a commencé dans un projet de livre de photos. En commencement, c'était un livre de photos en sous l'eau. C'était un photographe qui s'appelle Brigitte Henry. Je fais de la musique pour un livre, ça fait 6 ans. Et quand on a fait ce livre-là, c'est plutôt la musique cinématique, c'est sûr. C'était comme un trame sonore pour les images. Après ça, on a fait un show live, mais c'est très bien allé. Fait qu'on a continué ce projet-là. Et le prochain album que j'ai fait, c'est encore moi, mais le groupe est devenu un groupe moyen. Mais là, cet album-là, c'était un groupe de musique, mais on n'a pas changé le nom parce qu'on ne trouvait pas un nom. Mais c'est quand les 4 musiciens. Et c'est un groupe intéressant parce que tout le monde dans le groupe, on a assez des expériences très différentes. Mais aussi, comme groupe, on a des expériences très différentes. On a fait plein de shows bizarres. Comme toutes les extrêmes de musique, on a touché un peu, quand, très chanceux. Puis Patrick Watson, ça fait pas québécois, ça? T'es pas né ici, je pense. J'étais pas né ici, mais ça fait toute ma vie que j'habite ici. Mon père était pilote quand j'étais jeune. Bon, c'est sûr. Mon père était pilote quand j'étais né. J'étais né en Californie, dans le désert un peu. Mais j'ai déménagé 6 mois après. Fait que j'ai jamais vécu là-bas, mais... J'ai passé toute ma vie presque à Montréal. Un peu comme le vieux Pink Floyd, tu parlais d'image. Moi, je trouve que tu fais de la musique à image. Puis c'est important pour toi, ça? Je pense que le groupe était né comme ça. Fait que c'est sûr, il y a un côté, ça va toujours garder un peu comme ça. Et aussi, Brigitte, c'est une partie de notre équipe encore. C'est elle qui fait les pochettes. Et des fois, on fait les shows plein multimédia avec des visuels. Des fois, on fait sans visuel, ça dépend. Mais c'est sûr que... On a un côté assez cinématique ou surreal. Dès que tu fais la musique un peu ambiante, le monde va penser les images, c'est sûr. C'est que ça vient avec ce style de musique. Ouais. Mais moi aussi, pour moi, j'ai beaucoup influencé avec le cinéma. J'adore le cinéma au bout. Et j'ai fait beaucoup de trames sonores aussi. Et c'est sûr que moi, même quand j'écris les chansons, c'est pour ça. C'est encore des chansons, ne sont pas si expérimentales que ça, mais... Parce que quand j'écris une chanson, je pense souvent comme des trucs de films dans ma tête. Dans le côté musique, on met beaucoup de couleurs pour donner une atmosphère, une histoire de chanson. Fait que chaque chanson est très différente aussi. C'est pour ça qu'on touche tellement différents styles. C'est parce que chaque histoire est tellement différente dans les paroles qu'on essaie de trouver les atmosphères très différentes pour donner le background de l'histoire de cette chanson-là. Okay. Pour donner, c'est comme le son qu'on utilise, c'est partie des paroles, dans le fond. Un spectacle de Patrick Watson, justement, à quoi on peut s'attendre quand on va voir ça? Mais c'est en comparé à l'album, les spectacles, ils ont bien plus d'énergie. C'est bien plus fou quand on joue live. Et l'autre chose que tu attends, c'est que nous autres, c'est sûr qu'on va changer les arrangements tout le temps. C'est sûr qu'on a une section de nous autres qui aime ça garder les arrangements ouverts. Mais à la même temps, c'est pas un jam band non plus. On garde des arrangements. Il y a des chansons qu'on garde les arrangements, les chansons qu'on ouvre ça un peu. Et c'est fun. Les shows live, je pense que c'est mieux que l'album parce que là, tu vois les autres membres du groupe qui sortent vraiment live. Et comme le batteur est dans un trip complètement et le guitariste aussi, le bassiste. Ce sont vraiment les musiciens intéressants à écouter. Je pense que le live, ça laisse eux autres plus sortir, plus que c'est toujours comme le chanteur du band, blablabla. Bla, bla. Mais live, je pense que le monde est très boutant sur les musiciens que les chanteurs dans ce groupe-là. Et je trouve que c'est trippant un peu pour le public comme ça. Avec ce que j'ai entendu de tes autres albums, de tes autres projets, ça se peut-tu que tu aies pris une tangente un peu plus pop sur Close to Paradise? C'est pas que c'est une question pop, c'est plutôt parce que avant, j'étais pas super à l'aise avec les paroles parce que moi, j'ai venu d'un background plus instrumental. J'ai joué au piano quand j'étais jeune toute ma vie. Et cet album-là, je voulais vraiment concentrer et apprendre comment écrire une chanson. Et c'était quelque chose que je voulais apprendre. Fait que on a écrit des chansons pour comprendre, apprendre comment structurer une chanson. Fait que c'est très difficile de faire une bonne chanson. C'est pas évident. Tout, c'est plus facile pour nous autres pour faire des chansons instrumentales. C'est plus naturel pour nous autres. Fait que cet album-là, je pense qu'on a forcé de comprendre comment tu fais une chanson. Et j'ai fait beaucoup de recherches dans les niveaux de paroles. Je voulais vraiment... de s'améliorer sur les paroles et l'art de faire une chanson. Fait que c'est sûr que ça sonne un peu plus pop, mais Je pense pas que c'est une avenue plus pop, c'est juste qu'on voulait comprendre faire une chanson. Ça, c'est ben, simple. C'est ça. Je trouve que ça fait un peu des petites mélodies un peu Beatlesques. Ah, c'est sûr. Et puis ça, j'ai bien aimé, un petit côté British ouais. aussi. En tout cas, j'ai vraiment aimé. Yep. Puis c'est ça, je me demandais c'était quoi qui te menait là, mais tu m'as bien répondu. Donc, c'est excellent. Parle-nous des invités spéciaux qui ont participé à la réalisation de cet album. Qui étaient-ils et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais tu vois que cet album-là, on a enregistré pendant 3 ans comme une partie à la fois parce que dès qu'on a fini le dernier album, Just Another Nerd Day, on a décidé de devenir un groupe. Fait qu'on est allé à un petit loft à New York pendant un mois avec une bourse de Cirque du Soleil. Donc on a bu tout le long. Cheers à Guy! Cheers à Guy! Bleh, cheers à Guy! C'était vraiment fun, mais on jouait comme 4 heures de musique par jour. Et c'est là qu'on a devenu un son de groupe plus. Mais quand t'es là, on a enregistré une chanson pour la fun. Mais on pensait que c'était pre-pod, on pensait pas qu'on va utiliser, mais dans le fond, chaque place qu'on est allé faire l'enregistrement comme ça, on l'utilise dans le fond dans l'album. Fait qu'il y a plein de personnes que dans notre voyage, dans les derniers 3 ans, qui ont participé à l'album, juste à la façon qu'on a fait l'album. Et c'est sûr qu'on était super chanceux, notre arrangeur était incroyable, c'était M. Trottier. Et lui, je capote, il fait les arrangements de fou. On a donné ça à lui. Et quand la journée, on a fait les cuivres et les strings, c'était comme, on était comme, ah, oui, OK, c'est bon, on d'avarnac, let's go. On a fait le mix avec Amon Tobin qui a l'aidé en plus. Mais ça, c'est un échange parce que son nouvel album qui sort, qui va sûrement se sort en janvier, j'ai fait un peu de piano pour lui. Mais ça, cet album-là, il est incroyable. Son nouvel album, tu vas capoter. C'est comme la musique classique mixée avec la musique électro. Ah, tiens. Fait qu'on a fait un échange parce que lui, il est intéressant en studio aussi. Il m'a aidé dans 3 chansons dans la mix. C'était super gentil de faire ça. Et lui, il est super, super gentil comme mec. Il est trop drôle. Il est like, oh, hello, that just sounds lovely. You know, like, son musique, c'est comme. Lui, il est tout comme. Tout quiet, shy. Mais je remets le enregistrer avec lui. C'était trop drôle parce qu'on faisait une session de bruitage au bout, là, avec des instruments de Vietnam. J'ai trouvé dans mes voyages. Là, c'est genre. Après, c'est like, oh, that was just lovely. And you're just like, what the fuck? Mais lui, fait qu'en échange, il m'a aidé un peu dans les mix. Il est ingénieur de fou, lui. Ouais, c'est ça. Il y avait Jean Mascotte qui nous a aidé dans. Vraiment, à la fin, lui était super important, en fond, pour être le deuxième oreille pour moi, à la fin, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qui marche pas dans l'album. Et aussi pour le mastering. Il m'a aidé dans la finale. Et aussi, il a fait des mix aussi sur l'album pour Luscious Life. Et un couple, Luscious Life, il y avait Way of the World. Et aussi, il y a Jay Slasic et Dave Smith. Les autres, c'est des break glass. Parce qu'à la fin de notre voyage, on a fait comme 40%, 50% de l'instrument, on a fait en novembre dernier, qu'on fait le dernier instrument dans le studio. Et on a utilisé plein de petites partitions qu'on a faites dans le voyage. On a utilisé, on a mixé les deux, le studio et l'instrument de voyage. Et les autres étaient incroyables aussi. C'était un esprit fou. Il y a un studio à Montréal qui s'appelle Break Glass Studios. Oh, c'est super, c'est comme un place, mais c'est super fou. Jason Lassie qui est trop drôle, on rit. Fait que les autres étaient super importants, la vibe. Il y a tellement de monde qui a participé, c'est pas rapport. Il y a plein de musiciens. Il y a aussi Elizabeth Power qui a chanté dessus. Elle est un chanteur de fou. C'est un band incroyable. C'est un band de rock, mais elle a une voix capotée. Là, et elle écrit des chansons incroyables. Elle a chanté aussi. Il y a Katie Moore, une chanteuse country au bout, qui a chanté. Ceci, l'album, ça, c'était vraiment fun. Fait qu'il y a plein de monde intéressant qui est venu m'aider à faire l'album. Et c'est un peu notre esprit quand même comme musicien. Il y a plein de musiciens intéressants à Montréal. Fait qu'on essaie de participer le plus pour apprendre des trucs différents des autres. Donc, j'ai lu que tu as partagé la scène avec des grands noms comme Philip Glass, James Brown. C'était lors de quelle occasion? c'est comment de côtoyer ces légendes? Bon, Philip Glass, c'était le même soir, c'était Philip Glass, Steve Reich et Lee Ronaldo. Tout dans le même soir, ça c'était weird, what's it? Parce que c'est à New York, il y a un film co-op. C'est une place qui garde les films, les vieux prints des films des années 20 jusqu'à 70. C'est plus les films expérimentaux. Fait que chaque année, il y a un concert de bénéfice pour cette co-op-là. Et un directeur qui ont voulu nous autres jouer à New York à un moment donné, ils ont invité nous autres à jouer avec eux autres. Et tout le monde a choisi comme 20 minutes de films dans leur stock. On a trouvé des films tellement bizarres. Là, c'était super fun. Fait que tout le monde a fait des 7 à 20 minutes avec des visuels qu'on a trouvés dans leur stock de films. Et c'était un soir incroyable. On était peur au bout. Là. Mais Philip Glass et Steve Rex, c'est vraiment incroyable. Lee Ronaldo, c'est assez comme triple. On était des jeunes. Là. On va apprendre. C'est super simple. Tu vois. C'est ça. Et James Brown, c'est plutôt parce que on était allé à l'école ensemble quand on était jeune. Ouais, James, je me rappelle dans mathématiques, like, James, you should play music some days. Like, yeah, let's play music one day. Et après la classe en mathématiques, on a appelé et il se disait, oh, ouais, on va jouer, on va te faire un concert avec moi en Europe. Je suis comme, all right, sure. Mais c'est vraiment des extrêmes différents. C'est ça qu'on est chanceux parce que, aussi, comme concert, c'est les extrêmes qu'on a dans nos concerts. Il y a des parties que c'est musique pour musiciens, mais il y a toujours un côté aussi comme qui touche les gens ordinaires pour un public. Et je pense que tous les musiciens dans le groupe, on aime ça comme faire les spectacles. Il y a une belle vie sur scène et c'est fun pour tout le monde. Même si on fait des trucs expérimentaux ou pop, le monde vient avec nous autres souvent. Et c'est super trippant, on est chanceux. On sait que la plupart des artistes aiment écouter de la musique, si on en fait. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu écoutes toi en ce moment là? Mais cette année, j'ai fait un trip de folk quand même. C'est l'année de folk pour moi. J'ai écouté beaucoup Suvian Stevens. J'adore cet album-là. Aussi Gillian Welsh. Beaucoup de Bob Dylan, c'est bizarre. Parce qu'avant, j'écoutais beaucoup de musique classique comme Debussy, Ravel, Satie. Aussi, c'est sûr, comme Pink Floyd et Beatles, c'est sûr que j'écoutais ça beaucoup. Nick Drake, j'adore. J'écoutais beaucoup. Mais cette année, comme je voulais comprendre les paroles, fait que j'ai vraiment fait un trip de folk. Bob Dylan, les nouvelles comme Sufjan Stevens. Tu connais-tu Sufjan Stevens? Non, tu connais pas. Oh man, tu as trippé. C'est américain et c'est excellent comme musique. C'est comme le folk comme symphonique. Là. Complètement. Là. C'est super intéressant. Une voix incroyable. Et Gillian Welsh est plutôt un chanteur folk, mais c'est super beau. C'est rock, c'est bon comme ça. Et what else I listen to? Mais j'écoute beaucoup de musique électronique aussi, c'est sûr. C'est comme j'aime beaucoup la musique plus glitch. Parce que moi, quand je vais écouter les musiques, je vais écouter les extrêmes. J'aime pas ça écouter la musique dans le milieu parce que moi, je fais la musique mélangée toute déjà. Fait que ça m'intéresse pas. Je veux écouter où tous ces styles-là se viennent du bass. Fait que si je veux écouter les paroles, les chansons, je vais écouter les années 60, 70 pour les paroles, les chansons. Juste les chansons, c'est une bonne place à apprendre. Et si je vais écouter comme pour les accords ou les musique, je suis sûr que je vais écouter la musique classique parce que les accords sont incroyables. Mais si je veux écouter la musique pour électronique, je vais écouter le truc, c'est beaucoup d'expérimentation dans le niveau du son. Parce que pour moi, quand je vais écouter la musique, je vais apprendre la musique. Fait que souvent, j'aime écouter la musique où ça vient, où il est déjà rendu, pour voir s'il y a quelque chose qui est manqué. Très, très bien. Qu'est-ce que tu penses du téléchargement, les MP3, Internet, ces affaires-là? C'est intéressant en bout parce que là, pour moi, c'est bon parce que moi, mes disques sont tous maganés. En commencement, c'est bon, un peu dans le niveau-là. Mais c'est intéressant, c'est différent. C'est sûr que c'est comme quand les cassettes sont venus, les vinyles sont morts. Il y a toujours un côté triste, il y a toujours un côté qui est fun. C'est toujours comme ça dans la vie, c'est quelque chose de nouveau. Ouais, en même temps, c'est comme on a juste fini une vidéo. La musique plus va pas jouer. Mais c'est sûr, à l'Internet, il y aura plein de monde qui va regarder. Fait que moi, ça me fout, la musique plus maintenant, parce que pas besoin. Ils ne mettent pas les vidéos maintenant, c'est toute une niaiserie. Fait que pour nous autres, en même temps que c'est venu, ça n'aide pas dans le sens du vendage pour les CD. Mais pour être connu, si tu n'es pas le standard comme musique qu'on super pop au bout, c'est bon pour nous autres parce que ça donne une chance pour montrer les gens. Et je pense que MySpace est plus gros que toutes les places de musique vidéo dans le fond. C'est comme chaque journée, il y a 200 personnes qui vont écouter une chanson. Musique Plus, il n'y a personne qui regarde la télévision maintenant. C'est pas rapport, c'est un antique, you know. So, bon, et je pense que les MP3, ça va être intéressant aussi. J'ai pensé beaucoup à... Avant, il y avait toujours les singles. Avec le mouvement MP3, peut-être on va revenir dans les singles, mais pas dans le même sens que ça a besoin de 3 minutes et demie parce qu'on n'a pas besoin de passer sur radio. Fait que peut-être en France, ça va être intéressant. Peut-être, moi, je pensais souvent à faire les mini-albums que chaque mois, au milieu de faire un gros album chaque 2 ans. Peut-être on va essayer ça, on va faire des petits mini-albums chaque 8 mois qui sont 10 à 15 minutes. C'est vraiment trippant, une chanson en 15 minutes ou peut-être 4-5 chansons dans un, et on lance comme en single. Je pense que peut-être quelque chose de nouveau qui va être né de ça. Je pense que c'est pas fini cette histoire-là. C'est très, très nouveau et ça se peut que ça va être super intéressant. Ça donne une chance pour faire les nouvelles règles. Et merci. C'est New très rules. Bien. Et qu'est-ce qui s'en vient justement pour Patrick Watson? Tu viens de nous en parler justement. Puis c'est le temps aussi de plugger si tu as des shows qui s'en viennent. C'est là qu'il y a un album qui sort le 26, qu'on a juste fini de finir, qui s'appelle Close to Paradise. Et on va faire le mieux possible de faire beaucoup de shows. C'est sûr que c'est difficile pour un projet comme ça, pour faire les tournées, parce que pour les promoteurs, ils disent oh, « Quelle sorte de musique tu joues? » I'm like « OK, bye bye. » You know? Fait que c'est difficile à sortir de Montréal, parce que pour le monde nous connaître, c'est pas super facile vite connaître. C'est, oh, c'est un groupe de rock ou c'est un groupe de pop. Le monde, c'est, on n'a rien à attacher comme ça. Fait que pour nous autres, pour faire les routes, ça prend du temps de le monde a découvert. Fait que on va faire le show au Québec bientôt, mais la date n'est pas finie, mais on va t'appeler pour donner la date. Et j'espère qu'on peut venir à Trois-Rivières aussi pour jouer. Fait qu'on va faire la chance pour venir jouer à toutes les places à Québec et faire notre mieux. Et show à Montréal, 26... au Lion d'Or, 7, oui, c'est ça, Lion d'Or. Et c'est sûr qu'il y a des autres shows qui s'en viennent. On n'est pas tout bouqués encore. On espère te voir un peu partout. Mais on va à Iceland, ça va être drôle un peu. Question de geek un peu. Est-ce que tu travailles encore des fois avec juste des logiciels, ton laptop ou des trucs comme ça? Je travaille beaucoup dans un ordinateur pour enregistrer. Mais je suis vraiment dans une trip de live un peu. Mais moi, j'ai un studio chez moi, ça fait 6 ans, plus que ça, 8 ans. Et là, après 8 ans, j'ai joué beaucoup de piano quand j'étais jeune. Et je pense que dans les derniers ans, je travaille beaucoup sur l'ordinateur, sur les sons électroniques. Et peut-être maintenant, je revenais plus simple presque. Je veux apprendre le piano encore. Parce que j'avais tellement un trip électronique, toujours les sons, bruitage. Mais maintenant, je veux aller voir c'est quoi la basse. Revenir à la basse un peu et pour redécouvrir ça. Et fait que l'ordinateur, ça ne me tente pas dans ces temps-ci. Parce que tu vois, quand on a vu le show de Marky Bo, on a joué avec Marky Bo la semaine passée à FME. C'était tellement un trip. Tu connais Marky Bo? Il joue avec Tom Waits, c'est le guitariste Tom Waits. Mais c'est comme ça va heavy metal, jusqu'à musique doux, le plein bruitage super intéressant. Mais c'est tout live, pas besoin d'ordinateur sur stage. C'est ça que nous autres, maintenant, on trip sur ça. On veut faire tout live. Le moins de séquenceurs. On n'a jamais utilisé séquenceurs, mais si tu vois le show, on a plein de sons. Mais le guitariste, il a étudié avec Mercury Boat pendant un bout et là, il joue la guitare. Des fois, je regarde, il y a des ballons sur son guitare, il y a plein de trucs bizarres. Fait qu'on fait beaucoup de recherches pour trouver des sons originaux live et pas de laptop parce qu'il y a plein de sons qu'on peut faire. Là. C'est pas besoin d'un laptop sur stage pour faire les séquences. Je pense qu'il y a plus à faire, moins ça. Je pense que de mon opinion musicalement sur stage, dès que j'ai vu Mercury Boat, il y avait des sons plus intéressants que toutes les shows de laptop que j'ai vues de ma vie. En commencement. Et aussi, je trouve que ça tue le vibe un laptop sur stage. Je pense que d'avoir la sueur sur ton forehead, c'est important durant un show. Je pense que I think you need to be able to be working hard to make your noises. Et je pense que c'est important pour le public et aussi important pour le musicien parce que c'est très facile de faire des sons intéressants live. C'est pas si difficile que ça. Il y a plein de pédales intéressants. Il y a plein de façons de faire. Bjork, même quand j'ai vu le show Bjork, mon section préférée, c'est quand Matt Moss, il y avait comme une boîte à sable. Il y avait des micros dans la boîte à sable. Il faisait la beat avec ses pieds dans le sable. C'est bien plus intéressant qu'une personne avec un laptop qui pèse un bouton. Je pense que c'est très important d'aller chercher, trouver une façon de faire ça live, dans mon opinion. Mais mon opinion, c'est mon opinion, là, c'est sûr. ça vaut mon opinion, c'est tout. Mais c'est sûr que des choses intéressantes aussi avec le laptop. Je veux dire, c'est pas intéressant, mais je pense que pour moi, dans ma recherche, je veux vraiment trouver la façon de faire tout live. Et tout mon drummer et toute la kit, on essaie ça maintenant. C'est fun un peu aussi. On va voir. Peut-être que ça va marcher ou pas. Mais on va voir tous les laptops dans 10 ans. On va voir. puis justement, en quittant, y a-tu une track que tu voudrais entendre sur ton album? Bon, quelle sorte de musique tu aimes? Ben, moi, je suis plus type expérimental. J'aime mieux l'ambiance. J'aime mieux. Ok, on met Way to the World. C'est okay. Drôle. C'est parfait fun. Ça. Donc, merci beaucoup de ta visite, Patrick. OK, merci à toi pour nous inviter. C'est super fun. Parfait. Bonne journée, tout le monde!